Mesdames, messieurs, 20 minutes d'entracte. Nous vous rappelons que les sanitaires, délabrés et en nombre insuffisant, sont à votre disposition pendant toute l'entracte. Le bar vous accueille également avec sa sélection de boissons chaudes, champagne, Coca-Cola et jus d'orange. Nous vous informons par ailleurs que si vous vous êtes garé sur un bateau ou sur une place d'un propriétaire de la Peuplerie, vous risquez de ne pas retrouver votre véhicule à la fin du spectacle. Les numéros des taxis sont à votre disposition à l'accueil.